Les petites histoires de Telmi. La chenille d'Hakim. Hakim a un rêve, depuis tout petit, avoir un animal de compagnie. Un ami qui l'attendrait chaque jour à son retour de l'école, avec qui partager jeux, rires et câlins. Mais voilà, sa petite sœur est allergique aux poils de chat et de chien. Sa mère a peur des souris, et puis elle trouve qu'un oiseau dans une cage ou un poisson dans un bocal, c'est un peu triste. Alors Hakim range son rêve dans un coin de sa tête. Et puis un jour, alors qu'il joue dans le jardin avec Noura, Hakim tombe nez à nez avec une jolie chenille toute verte. Hakim la trouve trop mignonne et la fait grimper sur son doigt. Noura le regarde faire en riant. Tout à coup, Hakim a une idée. Il se précipite dans la maison et trouve son père. Il tend sa main où la chenille se balade tranquillement. « Je peux la garder à la maison ?» D'abord, un peu surpris, son père sourit. « D'accord, mais il faut qu'on lui bricole une maison. » Son père sort un grand bocal qui prenait la poussière dans le garage. Il y ajoute de la terre, plante plusieurs petites branches pour servir de perchoir, puis dépose des feuilles et de la salade pour qu'elle puisse manger. Hakim dépose la chenille tout doucement à l'intérieur. Son père recouvre le bocal avec un bout de grillage bien serré. Noura, qui était restée dehors, vient les rejoindre, intriguée. Ils observent la chenille prendre ses marques, silencieuses et émerveillées. Son père finit par demander « Comment vas-tu l'appeler ?» Hakim la regarde en cherchant l'inspiration, avant de s'écrier le visage lumineux. « Myrtille !» Son père rit, Noura applaudit. La vie avec une chenille de compagnie n'est pas la même qu'avec l'animal dont Hakim rêvait. Pas de câlin, de jeu ou de rire. Mais il y a la joie de rester là, la tête au creux des bras, à l'observer se balader sur une branche ou dévorer une feuille toute fraîche. Myrtille fascine Hakim. Il y a d'abord sa jolie couleur verte, recouverte de minuscules points noirs, comme l'intérieur d'un kiwi. Et puis le trait blanc qui traverse son corps comme un joli dessin. Ses six pattes vert fluo et ses fausses pattes à l'arrière. Et puis ses mandibules qui s'agitent lorsqu'elle dévore goulûment son repas. Ça fait beaucoup rire Hakim. Il raconte tout à Myrtille. Il a l'impression qu'elle l'écoute avec attention. Et ça fait du bien. Un soir, Myrtille n'a pas l'air dans son assiette. Elle pendouille au bout d'une branche dans une drôle de position. Sa jolie robe verte est toute terne. Hakim est très inquiet. Il n'a pas du tout envie d'aller dormir. Il veut veiller sur son ami. Sa mère le prend dans ses bras et l'embrasse tendrement pour le réconforter. « Ne t'inquiète pas, après une bonne nuit de sommeil, elle ira mieux, tu verras. » Le lendemain, toute la maison est réveillée par un grand cri d'effroi. Hakim, paniqué, s'est transformé en tornade hurlante. Sa chambre est sans dessus-dessous. Ses parents arrivent en courant, suivis de Noura tout ensommeillée. Sa mère essaye de le calmer. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri ?» Il se fige et bredouille. « C'est Myrtille. Elle a disparu. » Son père inspecte le bocal. Il fait signe à tout le monde de s'approcher. Il pointe une branche où pend une grosse feuille un peu bizarre. Myrtille n'a pas disparu. Elle a construit une chrysalide. Noura demande. Une quoi ? Une chrysalide. Myrtille va devenir un papillon. Hakim sent les larmes brouiller sa vue. Mais je n'ai pas envie. Elle était très bien en chenille. Toutes les chenilles finissent par devenir des papillons. Hakim soupire et jette un œil à la chrysalide un peu moche. Elle va rester longtemps comme ça ? Il va falloir être un peu patient. Mais elle a toujours besoin qu'on veille sur elle. Hakim essuie la larme qui coule sur sa joue et prend une grande inspiration. C'est mon amie. Elle peut compter sur moi. Hakim continue de veiller sur son amie, même si c'est beaucoup moins intéressant. Après une longue semaine, la chrysalide se met à bouger. Tout le monde se précipite pour assister au spectacle. Lentement, Myrtille s'extirpe. Hakim et Noura collent leur visage à la vitre pour l'admirer. Un petit corps presque blanc, de longues antennes marron, ses jolies ailes vert pâle qui ressemblent à de vraies feuilles se mettent à battre doucement. Ils n'en reviennent pas que Myrtille ait changé comme ça. Leur père s'approche et pose sa main sur l'épaule d'Hakim. « Myrtille va avoir besoin d'espace pour voler. Tu vas devoir la relâcher dans le jardin. » Hakim se tourne vers son père. Il sent les larmes lui monter aux yeux. Mais pourquoi ? Je m'en occupe bien, c'est toujours Myrtille et c'est mon amie. Sa mère s'approche et lui caresse la joue. Oui, mon chaton, mais Myrtille n'est plus une petite chenille. Elle va avoir besoin de butiner des fleurs et de se faire de nouveaux amis. Hakim renifle. Elle a déjà un ami. Mais il sent bien au fond de lui que ses parents ont raison. Alors il amène le bocal dans le jardin. Tout doucement, il ouvre le grillage. Le cœur d'Hakim bat à toute allure pendant qu'il observe Myrtille s'envoler. Pendant un moment, elle volait autour de la famille qu'il observe en silence. Puis elle s'élève par-dessus la haie et disparaît. Hakim a la gorge nouée. Il est triste de voir son ami partir. Mais il est aussi très fier de sa petite chenille devenue papillon. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Elsa Bordier et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.